C'est la vie comme elle va. Le mercredi de 17h à 18h. Des histoires, des récits, des témoignages, de la poésie, du mystère, de l'émotion. La vie quoi, la vie comme elle va. Une émission pour ceux qui aiment lire, sortir, découvrir. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. Retrouver pour une nouvelle émission, La vie comme elle va. Eh bien, elle va plutôt bien, puisque aujourd'hui nous sommes avec vous pour une heure pour parler de notre passion commune, les livres, la lecture. Alors aujourd'hui, il sera question d'amour, d'amitié et puis de mort, bien évidemment, puisque nous avons avec nous Eliane, la spécialiste de la question. Salut Eliane. Salut Irène, salut les Jean-Pierre, bonjour à tous. Bonjour Eliane, bonjour Irène. Salut tout le monde. Bonjour Jean-Pierre. Salut les Jean-Pierre. Donc nous avons la chance, vous le savez depuis tout ce temps, d'en avoir deux pour le prix d'un. Nous avons le Jean-Pierre qui lit et le Jean-Pierre qui fait de la musique. Aujourd'hui, eh bien, je vous ferai partager mon humeur féministe. Ah. Oui. Je vous parlerai d'une association, un collectif, chères collaboratrices. Mm-hmm. Ensuite, Jean-Pierre vous présentera le livre du jour, qui est le dernier Michel Bussy, « J'ai dû rêver trop fort ». Le coup de cœur de la semaine, ce sera eh bien le même que celui des lycéens, puisque ce sera le Goncourt des lycéens, « Frères d'âme » de David Diop. Pour notre plus grand plaisir, Eliane nous parlera des nuances dans la langue française. Et puis, sur sa lancée, elle nous présentera un polar, Illusion tragique. Et puis, nous terminerons par quelques conseils de sortie. Mais moi, je voudrais quand même vous parler de ce collectif intitulé « Chères collaboratrices ». Alors, « chères » comme celle qui est fraîche, « chères » comme celle qui est faible. Alors, la « chère fraîche », ce sont les attachés parlementaires et la « chère faible », ce sont leurs employeurs ou leurs collègues. Donc, cette association, elle a été créée en 2016 par des collaborateurs parlementaire. Et l'objectif de chères collaboratrices, c'était de recueillir des témoignages de harcèlement sexiste ou de violence sexuelle pour montrer finalement le caractère terriblement banal de ces violences au palais Bourbon. Alors oui, ceux qui rédigent et votent les lois ne semblent pas, les respecter eux-mêmes, puisqu'ils font des lois contre le harcèlement, qu'il soit sexuel ou moral, et finalement... Ils aiment bien harceler, quand même. Ben, finalement, ils auraient besoin d'un rappel à la loi. D'ailleurs, il paraît qu'il y a eu, à un moment donné à l'Assemblée, des affiches qui ont été placardées, reproduisant deux articles du Code pénal concernant justement le harcèlement, et qui avait pour but de rappeler à ces messieurs qu'on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui, surtout quand il n'est pas d'accord. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il semblerait En tout cas, ça a été dit dans les médias par ses chères collaboratrices, qu'il existe à l'Assemblée une liste noire qui circule sous le manteau, qu'on se refile entre copines. C'est la liste des hommes avec qui il ne faut surtout pas se retrouver toute seule ou prendre l'ascenseur toute seule, parce que on risque gros. Et donc, le 8 mars dernier, le collectif Chères collaboratrices a envoyé un questionnaire à l'ensemble de ces dames, donc toutes celles qui travaillent soit au Palais Bourbon, soit dans les différents fiefs de ces messieurs les députés. Et donc on leur a demandé de témoigner, de répondre à un questionnaire. Pour savoir si elles avaient déjà eu à subir tel ou tel affront. Et le résultat est assez édifiant, puisque sur l'échantillon de réponse, une femme sur deux a dit avoir été victime soit de blagues sexistes, soit de blagues à caractère sexuel sur leur lieu de travail, ou bien avoir subi des propos un peu limites concernant leur apparence ou leur vie perso. Une femme sur trois qui a répondu se disait victime d'injures sexistes ou d'attitudes gênantes ou insistantes. Alors, on met dans cette rubrique les regards scanners, les blagues graveleuses et autres du même acabit. Une sur cinq disait avoir subi des avances sexuelles non souhaitées. On est au-delà de la dragouille gentille de la vieille génération. Là, on commence à avoir des choses un peu plus insistantes. Et une sur six déplorait d'avoir eu à subir des attouchements sur ses seins, ses fesses ou ses cuisses contre son gré. Le résultat, quand même, est assez édifiant. Alors, qui sont les auteurs de ces actes de harcèlement ? Eh bien, pour 60%, ce sont les députés eux-mêmes ou d'autres collaborateurs. Et dans 12% des cas, c'est le député employeur de la personne qui subit. C'est pour ça qu'ils pensent qu'ils ont tous les droits. Voilà. Alors, il faut savoir que le statut de d'attaché parlementaire est un peu spécial. Il dépend complètement donc de l'employeur. Il n'y a pas de statut, en fait, il n'y a pas de convention collective, et donc on dépend exclusivement du bon vouloir d'une personne, de son patron, de son bon vouloir, de ses caprices, et on peut être poussé à démissionner du jour au lendemain si on a déplu. Certaines rapportaient que même au moment de l'entretien d'embauche, on leur faisait des propositions pas très honnêtes. Et donc, si elle refusait, il y en a une qui a dit, écoutez, moi je suis là, c'est pour un travail, pas pour un rencard. On lui a signifié qu'il y en a d'autres qui seraient sans doute plus accommodantes pour les rencards, et qu'elle pouvait prendre la porte. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi ces personnes qui ont eu à subir ces choses, une sur trois n'en parle à personne. C'est bien révélateur de l'omerta dans ce domaine qui règne. Bon, on peut être optimiste et dire qu'il y en a deux sur trois qui en parlent, et que ça peut aboutir justement à la création de chères collaboratrices. A priori, ça touche tous les groupes politiques, et puis ça a été comme ça de tout temps. Et en fait, on joue sur le fait que les femmes victimes craignent pour leur emploi. Et les rares cas portés devant la justice concernent essentiellement le harcèlement moral et non pas sexuel. et que les femmes disent que de toute façon, si tu vas au prud'homme pour du harcèlement sexuel, eh ben t'es grillée, t'es cataloguée comme procédurière et ta carrière, elle est terminée. Alors pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi, messieurs, pourquoi certains se comportent de cette manière? Alors l'analyse qui est donnée par chère collaboratrice, c'est que ben, il y a d'un côté l'ivresse du pouvoir, voilà, on est l'élu, donc on peut tout avoir, n'est-ce pas? La chaleur de la salle, peut-être. Alors attends, c'est assez intéressant. Le fait d'être loin de son domicile, donc ce sentiment d'être à la fête, hein, Bobonne, elle est restée à la maison. Et puis aussi le fait qu'il y a le lieu de travail est souvent le lieu de vie. Et alors j'ai appris, c'est assez intéressant, qu'à l'Assemblée, les douches sont mixtes. Et donc ça favorise... Chez moi aussi, hein. Chez moi aussi, oui. Mais bon... Voilà, tu ne partages pas ton chez-toi avec ton patron. Non. Oui, tu ne vas pas prendre ta douche avec ton patron. Voilà, donc y a ce côté, donc d'un côté l'ivresse du pouvoir et d'un autre côté une configuration et des lieux qui font que c'est propice à la promiscuité. Mais en tout cas, cette multiplication de témoignages illustre bien le fait que cela a un caractère quasiment structurel, quoi, qui est sans doute lié au patriarcat, et puis qu'il y a eu, enfin, on pourrait presque dire, une culture de l'agression sexuelle largement tolérée, voire encouragée, notamment par les douches mixtes. l'impunité, il leur arrive jamais rien. Hein. Alors il y a des cellules d'écoute qui ont été mises en place, mais quand même. Hein. On se rend compte que finalement ceux qui votent les lois ne les respectent pas, qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, voire de la schizophrénie. Carrément. Contre toute attente. Me revoilà tout contre toi. Contre vents et marées, dans tes filets. Je suis ta voix. ce qui est génial dans la vie, c'est que quand même il y a des hommes qui sont géniaux et que l'on apprécie. Jean-Pierre, justement. Je croyais que t'allais dire Michel Bussy. mais non. Nous, on a la chance d'avoir des hommes formidables. Donc, tu vas nous présenter le dernier livre de Michel Bussy. J'ai l'impression qu'il t'a beaucoup plu, celui-là. Oui, il m'a plu, mais j'aime Michel Bussy. Mais nous aimons tous Michel Bussy. Voilà, donc, et celui-là, il est de la même veine, hein. J'ai dû rêver trop fort, hein, genre j'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort, ça commence comme du Bachung. Hein. Mm-hmm. Encore un roman de Bussy apprécié, hein. Oui, ça commence comme du Bachung, je vous dirai après comment ça se continue, mais un roman de Bussy apprécié, je suis pas le seul à l'avoir apprécié, puisque j'ai vu que les commentaires du web étaient élogieux, à part l'intellectuel de service, sans doute abonné à Télérama, mais ça c'est mon je m'égare. Oui, mais ils peuvent pas faire autrement. C'est viscéral, encore une fois de plus. Mais tu sais qu'en France, quand on a du succès, tout de suite, on se fait tirer dessus. Donc. Mais que c'est bon de s'égarer quand les mots font oublier le temps présent. Et quand je dis apprécier, j'exagère parce qu'en fait, j'ai franchement aimé. Et je vais faire une concession en confiant un secret. Je vais vous dire que les romanciers qui n'en sont pas parce qu'ils racontent des faits réels, avec roman en couverture par prudence de l'éditeur pour se protéger au cas où, les romanciers qui cherchent midi à 14h et que vous ne savez toujours pas l'heure qu'il est en fermant les 740 pages, dont 200 de remplissage, j'en ai ma claque. Alors, quand sort le nouveau Bussy, je fais comme d'autres avec le Beaujolais nouveau. Je bois. Je me régale. Je déguste en faisant tourner les mots dans ma bouche. Je sais, ça vous étonne. Mais les papilles du lecteur, ça existe. Je renifle les senteurs comme tous les connaisseurs bidons aux tables des restaurants. Et moi, ce n'est pas l'arrière-goût de fraises bananées que je recherche. C'est ce vrai moment d'évasion écrit avec des règles de base. Un Bussy, c'est toujours structuré. De la même manière, un face-à-face entre deux époques et entre deux lieux. Un Bussy, ça vous transporte au bout du monde, ou ça vous cache dans une boucle de la Seine. Avec Bussy le Normand, le fleuve n'est jamais bien loin. Et là, c'est à Portejoie, en bord de Seine, une commune près de Louviers, où Bussy est né d'ailleurs, qu'est situé le havre de paix où réside Nathalie, l'héroïne, et Olivier, son mari. Alors, Nathalie est hôtesse de l'air à Air France. Et elle parcourt les 120 km qui la séparent de Roissy dès qu'une de ses 3 ou 4 missions mensuelles l'appelle. Roissy que les branchés d'ailleurs appellent CDG, sans trop savoir si ce CDG est un ancien de l'aéropostale. C'est de Roissy que décolleront les nouvelles nefs de l'aventure, comme jadis la Santa Maria quittait les côtes portugaise, Montréal, Los Angeles et Jakarta, point de chute de l'histoire, auquel Nathalie ajoutera Barcelone. Ce matin-là, quand elle a quitté son mari, Olivier, ébéniste à Portejoie, dans la maison où il a son atelier, et qu'elle se remémore ses 3 prochains allers-retours, elle frissonne. Montréal, Los Angeles, Jakarta, tiercé dans l'ordre, ce n'est pas produit depuis 1999. Et de plus, avec Florence, sa meilleure collègue, vu l'organisation de la compagnie aérienne, il y avait autant de chances que ça se produise que de gagner au loto. Quand elle arrive à Roissy, elle prend connaissance de la composition de l'équipage. Elle réalise que c'est le même qu'il y a 20 ans. Dès lors, autant espérer rencontrer la fille de la concierge au détour d'un rocher du Grand Canyon. Les coïncidences se multiplient et lui revient à l'esprit le tiroir de sa commode, le tiroir intime, qui a été fouillé. Ce dont elle s'est rendue compte avant de partir, et ce petit galet qui a roulé jusqu'au-dessous de son lit. Un petit galet auquel elle tient tant, et à qui nous attribuons l'Oscar du meilleur second rôle. Qui a bien pu fouiller dans ses affaires? Son mari Olivier, certainement pas. Cet homme si triste à chaque fois qu'elle part, qu'il l'aime comme un fou, lui il sédentaire, quand elle c'est la globe trotteuse. Sa fille Margot, la cadette, encore adolescente, chiante, mais pas indélicate, la cadette. Ça peut pas être Laura, l'aînée, qui est infirmière, qui vit en dehors de... qui est mariée, qui a un enfant, qui ne vit plus chez ses parents, et qui n'oublie jamais de demander à sa maman, entre deux vols, de lui garder le petit. En 1999, dans l'avion pour Montréal, il y avait ce passager, Ilan, dont je ne vous dis rien de plus, sinon que l'hôtesse et le passager sont restés sur leur nuage. En vol, nous sommes priés de garder notre ceinture attachée, de relever la tablette. Des turbulences peuvent nous surprendre. À terre, nous sommes invités à la plus grande vigilance. Les événements font s'accélérer. De 1999 à 2019, les flashbacks succéderont à l'étrange actualité comme un copier-coller de chez Bill Gates. Bussy dédie son livre aux victimes des tsunamis indonésiens. Pour le roman, il fait sans doute référence à la désolation provoquée par celui de septembre 2018. Dans le vol pour Montréal de 2019, Nathalie fait connaissance avec une stagiaire, Charlotte, qu'elle prend sous son aile et qui, toute sa jeune vie, a rêvé d'être une hôtesse de l'air. Il y a du Dutron là-dedans. Au moins, cette Charlotte, elle, ne faisait pas partie du voyage de 1999. Vertige de l'amour, ça se finira aussi comme du bachougne. Dans le vol intercontinental, les conséquences du vertige, ce n'est pas là-haut au-dessus des nuages, c'est à l'atterrissage. Bon, pour faire plaisir à l'intellectuel abonné à Télérama, je lui concéderai que Bussy n'est ni Maupassant ni Balzac, mais Maupassant et Balzac faisaient-ils l'unanimité à leur époque? Et je ne suis pas un adepte de ce qu'il faut avoir lu. Bussy n'est pas Hugo, mais il raconte tellement bien. Et je serais prêt à parier que l'année prochaine, si Dieu le veut, et si Bussy le veut, je vous présenterai le millésime 2020, sans doute en cours de rédaction, je sais déjà que ça va me plaire. À Paris, dans la grande ville, dans une des plus belles maisons, à Paris, dans la grande ville, dans une des plus belles maisons, il y a une jeune barbière, 100 fois plus belle que il y a une jeune barbière, 100 fois plus belle que le jour. Puisqu'on dit qu'elle est si jolie, je m'en irai pour la voir un jour. Puisqu'on dit qu'elle est si jolie, je m'en irai pour la voir un jour. Je partirai vers les minuits pour arriver au point du jour. Je partirai vers les minuits pour arriver au point du jour. Oh, à Paris, à mon arrivée, à la porte, 3 petits coups frappés. À Paris, à mon arrivée, à la porte, 3 petits coups frappés. Oh oui, charmant jeune homme, tous mes rasoirs sont prêts pour vous. Oh oui, charmant jeune homme, tous mes rasoirs sont prêts pour vous. Oh, qu'avez-vous, charmant jeune homme, a changé si souvent de couleur. Oh, qu'avez-vous, charmant jeune homme, a changé si souvent de couleur. S'ils sont mes rasoirs qui vous gênent, pourquoi me le dites-vous pas? S'ils sont mes rasoirs qui vous gênent, pourquoi me le dites-vous pas? Oh non, oh non, jeune barrière, ce sont d'amour que j'ai pour vous. Oh non, oh non, jeune barrière, ce sont d'amour que j'ai pour vous. Sont pas pour vous. Mes amours, répondit-elle, mes amours ne sont pas pour vous. C'est un marin qui les a, qui les mène, depuis quand jusqu'à Cherbourg. C'est un marin qui les a, qui les mène, depuis quand jusqu'à Cherbourg. Je sais, j'ai compris, je n'aurais pas dû. Moi, Alpha Ndiaye, fils du très vieil homme, j'ai compris, je n'aurais pas dû. Par la vérité de Dieu, maintenant, je sais. Mes pensées n'appartiennent qu'à moi. Je peux penser ce que je veux, mais je ne parlerai pas. Tous ceux à qui j'aurais pu dire mes pensées secrètes, tous mes frères d'armes qui seront repartis, défigurés, estropiés, éventrés, tels que Dieu aura honte de les voir arriver dans son paradis, ou le diable se réjouira de les accueillir dans son enfer, n'auront pas su qui je suis vraiment. Les survivants n'en sauront rien. Mon vieux père n'en saura rien. Et ma mère, si elle est toujours de ce monde, ne devinera pas. Le poids de la honte ne s'ajoutera pas à celui de ma mort. Ils ne s'imagineront pas ce que j'ai pensé, ce que j'ai fait, jusqu'où la guerre m'a conduit. Par la vérité de Dieu, l'honneur de la famille sera sauf, l'honneur de façade. Je sais, j'ai compris, je n'aurais pas dû. Dans le monde d'avant, je n'aurais pas osé. Mais dans le monde d'aujourd'hui, par la vérité de Dieu, je me suis permis l'impensable. Aucune voix ne s'est élevée dans ma tête pour me l'interdire. Les voix de mes ancêtres, celles de mes parents, se sont tues quand j'ai pensé faire ce que j'ai fini par faire. Je sais maintenant, je te jure que j'ai tout compris quand j'ai pensé que je pouvais tout penser. C'est venu comme ça, sans s'annoncer. Ça m'est tombé sur la tête, brutalement, comme un gros grain de guerre du ciel métallique. Le jour où Mademba Diop est mort. Ah, Mademba Diop, mon plus que frère, a mis trop de temps à mourir. Ça a été très, très difficile. Ça n'en finissait pas, du matin aux aurores, au soir. Les tripes à l'air, le dedans dehors, comme un mouton dépecé par le boucher rituel après son sacrifice. Lui, Mademba, n'était pas encore mort, qu'il avait déjà le dedans du corps dehors. Pendant que les autres s'étaient réfugiés dans les plaies béantes de la terre qu'on appelle les tranchées, moi je suis restée près de Mademba, allongée contre lui, ma main droite dans sa main gauche, à regarder le ciel bleu, froid, sillonné de métal. Trois fois il m'a demandé de l'achever, trois fois j'ai refusé. C'était avant, avant de m'autoriser à tout penser. Si j'avais été alors telle que je suis devenue aujourd'hui, je l'aurais tué la première fois qu'il me l'a demandé, sa tête tournée vers moi, sa main gauche dans ma main droite. Par la vérité de Dieu, si j'étais déjà devenue celui que je suis maintenant, je l'aurais égorgé comme un mouton de sacrifice, par amitié. Mais j'ai pensé à mon vieux père, à ma mère, à la voix intérieure qui ordonne, et je n'ai pas su couper le fil barbelé de ses souffrances. Je n'ai pas été humain avec Mademba, mon plus que frère, mon ami d'enfance. J'ai laissé le devoir dicter mon choix. Je ne lui ai offert que des mauvaises pensées, des pensées commandées par le devoir, des pensées recommandées par le respect des lois humaines. Et je n'ai pas été humain. Ainsi commence le livre de David Diop, Frère d'âme. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de l'histoire terrible de deux amis d'enfance, des plus que frères, Alpha et Mademba, donc qui sont venus du Sénégal pour faire la guerre en Europe. Ce sont les fameux tirailleurs sénégalais qui avaient été recrutés pour leur courage et aussi parce qu'ils semaient la terreur, on en avait peur dans les tranchées. Et on n'a pas hésité à les envoyer à la mort dans une guerre qui finalement n'était pas la leur. Le récit commence donc par la mort de Mademba, qui a été donc éventrée par l'ennemi. Et son ami Alpha est resté auprès de lui, mais n'a pas voulu l'achever comme le demandait son ami. Et en fait, ces heures qu'il a passées auprès de son ami en train de mourir vont complètement le chambouler. Et c'est un tel choc que cela va remettre en cause toutes ses croyances, tout ce qu'il respectait jusqu'à présent. Et il va terriblement regretter de ne pas avoir achevé son ami au moment où il le demandait. Et il était empli de l'idée de vengeance. Et après que son ami soit mort, il l'a ramené dans la tranchée, il l'a rampé avec le cadavre de son ami pour retourner dans les tranchées où il a été accueilli comme un héros. D'ailleurs, il a eu droit à la croix de guerre. Mais il n'était plus du tout pareil après cette nuit d'horreur. Et chaque fois qu'il va monter au combat avec les autres tirailleurs sénégalais, il va adopter une posture. Il va en fait rester dans un endroit où il se sera faufilé et il va faire le mort. Il va attendre qu'un ennemi aux yeux bleus se présente et il va lui faire ce qui a été fait à son ami. Et il va revenir ensuite dans la tranchée avec un fusil et la main qui tenait le fusil. Alors au début, on l'acclame. Première main, deuxième main, troisième main. À la quatrième, on commence à avoir peur de lui. Tous commencent à avoir peur de lui. Et l'attitude va complètement changer. Et lui-même va engager une sorte de processus qui est assimilable à la folie. Ce livre, c'est vraiment un livre terrible qui décrit les souffrances qu'ont endurées les hommes dans les tranchées lors de la guerre de 14-18. Ce livre va donner la parole à des gens que habituellement on n'entend pas, les tirailleurs sénégalais. Et donc Alpha va nous parler de la façon dont il vit cette terreur. Il va parler de son pays, de son enfance, de son amitié avec Mademba, du poids des traditions et comment tout ça va voler en éclats à cause de la guerre. Et donc on va l'accompagner jusqu'au seuil de la folie. C'est un premier roman. C'est un roman qui a été choisi par les lycéens pour donc leur prix Goncourt. Vous avez vu la façon dont c'est écrit dans l'extrait que je vous ai lu. C'est une écriture un peu psalmodiée et on ne peut que se laisser gagner comment dire, c'est comme un chant lancinant qui se répète à l'infini. Ça s'appelle Frère d'âme et vraiment, bon, sauf si vous n'avez pas le moral, auquel cas remettez cette lecture à plus tard, mais vraiment je vous conseille de lire ce livre qui a un regard totalement différent sur la guerre de 14-18. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Un grand-père à la cool, prénommé Alain, dans la rue se roule un joint. Odile, une jolie septuagénaire, soulève chaque jeudi des haltères. C'est moi ou tout le monde. jeune. C'est moi où tout le monde est jeune. Jean-Michel en baggy sur sa trottinette organise samedi une fête. Marguerite tatouée, trois divorces au compteur, n'a pas renoncé au bonheur. C'est moi où tout le monde est jeune. C'est moi où tout le monde est jeune. Et je me sens seul avec mon puzzle, ma cheminée, mon col roulé, mon épagneul. Et je me sens con avec mon torchon, ma poêlée de champignons. Lise fait du hula hoop, Colette du parapente, Jeanne monte un bar à soupe à Nantes. Jean-Yves part à LA faire du yoga Bikram. Claude fait des ateliers de slam. C'est moi où tout le monde est jeune. C'est moi où tout le monde est jeune. Et je me sens mal avec mon journal, mon tas de bois, mon calva et mon cheval. Je me sens con avec ma collection de maquettes d'hydravion. C'est moi où tout le monde est jeune. C'est moi. C'est moi où tout le monde est jeune. C'est moi. La vie comme elle va. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Eliane, qui est une grande amoureuse de la langue française, vous l'aurez compris, va aujourd'hui nous parler des nuances. Oui. Dans la langue française. Tout à fait. Et il y en a plein de nuances. En exemple, crier ou hurler, c'est pas pareil ? Et non. Crier, c'est parler d'une voix forte ou pour se faire entendre. On est d'accord. Qu'il s'agisse de Madame Machin, dont le mari est encore au bistrot, hein, ou Christophe qui a perdu Aline sur la plage, hein, tout le monde crie. On a des bonnes raisons de crier. Et quand on n'en a pas, ben on va en Bretagne et puis on va sur la criée aux poissons. Hein. Mais Michel Audiard, il a même fait crier le cormoran au-dessus des jonques. Car même les animaux crient, comme la cigale qui a crié famine chez la fourmi sa voisine. Quand le danger guette, on crie au loup, on pousse des cris d'orfraie. Celui qui hurle n'en peut plus, que ce soit de rage ou de douleur. Il ne s'adresse à personne en particulier, mais ses hurlements sont impressionnants. Quand la jeune Marion, vous savez, dans Psychose, hurle sous sa douche, ce n'est pas pour que Norman Bates arrête de la massacrer, hein. C'est un fou, c'est un fou, hein. Mais c'est parce qu'elle a peur. Celui qui hurle avec les loups ne se prend pas pour Mowgli. Il veut juste faire comme les autres. Il pense comme eux, il parle comme eux. Et quand mon voisin s'absente et que son chien hurle à la mort, hein, quand la nature se déchaîne, le vent hurle aussi fort que dans le poème de Victor Hugo. Au cri, je préfère les chuchotements. Au hurlement, les messes basses. Et aux vociférations d'un excité, la voix apaisante de l'homme qui murmurait aux oreilles des chevaux. C'est vrai que hurler, c'est en fin de compte, ça ne s'adresse pas à quelqu'un. C'est une expression de peur, de terreur. Mm-hmm. Suer ou transpirer ? Ah, moi, je transpire. Voilà. La transpiration permet de maintenir la température interne de notre corps à 37 degrés. On transpire comme on respire, conformément à l'étymologie du mot. Le latin transpirare vient de spirare, qui signifie exhaler, souffler. Si la peau respire, tant mieux, quitte à incommoder les narines sensibles qui subissent les odeurs nauséabondes des rames de métro aux heures de pointe. Une enquête approfondie m'a appris que les glandes sudoripares apocrines sont responsables des mauvaises odeurs. Alors que les écrines fonctionnent de façon plus discrète. Heureusement, les déodorants sont là. Il y en a pour tous les goûts, en spray, en crème, en stick, en billet, enfin bref. La sueur produite par le même mécanisme de thermorégulation, eh oui, est plus noble. On dirait qu'il sent moins mauvais. Une héroïne de roman ne transpire pas, non. C'est toujours une légère sueur qui perle sur son front. La sueur peut avoir une origine émotionnelle et naître d'une sensation de malaise. Quand James Stewart est submergé par sa névrose dans le film d'Hitchcock, elle se transforme en sueur froide. Et puis, Dieu l'a dit à Adam, c'est elle qui symbolise l'effort. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Il y a des gens pour qui suer est un plaisir et qui alternent hammam et sauna. Il faut de tout pour faire un monde. Et je pensais que, en fait, transpirer était une façon élégante de dire suer. Oui, et bien en fin de compte, ils disent le contraire. Mais oui, c'est moi surprenant. Moi aussi, je trouvais que transpirer, c'était plus léger. Oui, ça faisait plus princesse, quoi. Eh bien non, les princesses suent. Elles ne transpirent pas. Ouais, oui. Parce qu'en fin de compte, dans transpiration, il y a odeur désagréable, je crois. Voilà. Une princesse, ça pue pas, alors. Non, voilà, c'est absolument pas. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça sent peut-être pas très très bon, mais ça ne pue pas. Alors, naturiste et nudiste, vous savez la différence, bien sûr. Comme le naturiste et le nudiste ont le même uniforme, hein, on a du mal à le différencier. Car de même que l'habit ne fait pas le moine, l'absence d'habit ne fait pas nécessairement le naturiste. Le naturisme, ce n'est pas seulement en Bermuda qu'on enlève, c'est surtout un style de vie. C'est le respect de son corps et de la nature. Le naturiste se couche tôt. Il mange bio. Il fait du yoga, de la poterie et de l'aquarelle. Grégaire, il retrouve ses pères dans un camping, dans les Landes ou le Cévennes. Là, c'est en tenue d'Adam ou d'Ève qu'il fait du vélo et joue au volet avec ses nouveaux amis de vacances. Il n'y a plus de vouvoiement ni de rond de jambes. On est tous pareils. Quand on est tout nu et qu'on partage les mêmes valeurs. Rien à voir avec le nudisme qui expose à la nature et surtout regarde des autres un corps soigné, bronzé, musclé, ferme, bodybuildé. Comme il n'a rien dans l'assiette, l'assiette et le soja quinquina n'est pas pour lui, pas plus que le jus de radis noir. Et il ne se couche pas, ne se lève pas en même temps que le soleil. Il se pavane le jour et fait la fête la nuit. Il fuit les ghettos pour naturistes et passe des vacances parmi les textiles pour mieux les regarder. En fin de compte, c'est tout à fait une éthique différente. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Mais on peut être un nudiste naturiste. Hein. Mais naturiste, c'est plutôt en Sologne et un nudiste à Ibiza. Voilà, c'est à peu près ça. Ça. Je pense qu'il a tout compris, Jean-Pierre. Et alors, pour finir, on va faire boisson et breuvage. La boisson, c'est un liquide que l'on boit. Ça coule de source. Et la première boisson dont on rêve quand on traverse la vallée de la mort... C'est l'eau. Que ce soit l'eau qui dort et dont il faut se méfier, ou l'eau ferrugineuse que Bourville fait semblant de préférer à l'alcool, qu'importe, on a soif. Mais personne ne se contenterait de boire de l'eau, à part ceux qui vivent d'amour et d'eau fraîche. On préfère ces boissons alcoolisées qui, si on en boit plusieurs verres, font dire « bonjour les dégâts » à nos proches. Car on peut faire des bêtises quand on est sous l'emprise de la boisson. C'est pour ça que les boissons soif se retrouvent entre eux, dans un débit de boissons où ils commencent par boire une bonne bière, ou un petit apéro, suivi de beaucoup d'autres. Ils rentrent chez eux quand ils ont trop bu. Le breuvage est plus sophistiqué. Sa préparation est plus élaborée que celle de la bière ou du vin. On ne se contente pas de faire fermenter du malt d'orge ou de houblon ou des grains de raisin qu'on a foulés aux pieds. Non, le breuvage est une boisson concoctée à partir de nombreux ingrédients aux vertus médicales et curatives. Le breuvage est beaucoup plus sophistiqué que la boisson. Mais il ne faut quand même pas en abuser non plus. Alors finalement, c'est le naturiste qui boit des boissons et le nudiste qui boit des breuvages. Peut-être le contraire. Oh là là, j'ai rien compris. Je pense que le naturiste serait plus breuvage. Et le nudiste plus boisson à gogo. Alors lequel crie et lequel hurle? À mon avis, peut-être bien qu'il crie si on leur court après. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. On suit les rails du chemin de fer, on dort souvent sur la face. De quoi ils sont capables. C'est monstrueux. Côté polar. Cette semaine, Eliane a choisi pour nous Illusion tragique. Alors, je crois que nous allons faire connaissance avec un petit Mario. Oui, absolument. Qui a 10 ans. Et qui est très, très curieux de nature. Qui est très curieux. Oui. Hein. Alors, c'est Gilda Piersanti, c'est une Italienne, hein, qui est devenue un peu parisienne d'adoption, qui est l'auteur de... Elle a été l'auteur d'une série, Les Saisons meurtrières, qui ont été adaptées à la télévision. Son livre, Illusion tragique, a eu le prix des lecteurs Quai du Polar, 20 minutes, en 2018. Donc, Mario et son ami Ricardo ont une drôle d'idée. Aller délivrer la femme que retient le voisin de Marco, M. Rupert, qui habite au dernier étage de son immeuble. Il est sûr qu'il retient une femme prisonnière. Car la femme que Mario a vue avec M. Rupert dans la baignoire, cette femme, Mario ne l'a jamais vue ni descendre, ni remonter. Elle doit être prisonnière. Donc, ils ont décidé, tous les deux, en faisant croire à leur mère qu'ils allaient dans leur cabane, elle est délivrée, cette femme. Écoute, si je le savais, on n'aurait pas besoin d'y aller. De toute façon, je n'ai jamais entendu sa voix. C'est toujours lui qui parle. Et quand il parle, il dit de ses trucs. Ils ne pouvaient s'avouer, tous les deux, qu'ils avaient la trouille. Ils s'attendaient à découvrir à tout moment la fille enchaînée au radiateur, menottée, bâillonnée, les yeux grands ouverts. Il imaginait déjà son regard où la terreur céderait à la gratitude face à l'arrivée de ses libérateurs. Mario se faisait lui poser la main sur l'épaule dans un geste rassurant. Il avait toujours rêvé de ce moment-là. Ricardo se projetterait plutôt le film d'un homme comme un commando, cherchant frénétiquement la clé des menottes dans tous les tiroirs, renverserait sur le lit ou même le sol, avant de tout envoyer valdinguer d'un coup de pied. Si ce n'était pas la clé, c'était des ciseaux qu'il se voyait prendre dans la cuisine, ou même le gros couteau à lame large et affilée, qui lui permettrait de libérer la prisonnière. Et si elle était retenue par des chaînes, il trouverait bien dans une boîte des outils de tenaille qui les briserait. Ni l'un ni l'autre n'envisageait que la princesse pût être libre chez elle, attendant chaque jour le retour de son prince et acceptant de plein gré sa vie de recluse. Mais ce qu'ils vont découvrir, c'est une énorme surprise. Car ce n'est pas une femme, c'est une poupée gonflable. Alors là, ils sont tellement ébahis qu'alors ils sautent dessus, ils jouent avec elle, ils lui enlèvent sa petite culotte et tout. Et voilà M. Rupert qui revient. Dame Ned. Alors Mario, il se faufile, il repart par le Vasistas. Mais Ricardo, il est un peu plus lourd. Et alors, il va se cacher derrière la baignoire. Et Monsieur Rupert va le voir. Mario jeta un œil sur son portable. Il s'était écoulé déjà 20 bonnes minutes depuis qu'il était là. Putain, mais qu'est-ce qu'il foutait, Ricardo ? Il leva les yeux vers le haut de l'escalier qu'il avait descendu tout à l'heure, puis vers le pont. Personne. Personne non plus sur le bord du Tibre. Pas même un cycliste solitaire. Bien qu'aménagé pour les vélos, la promenade le long du fleuve était moins fréquentée ces derniers temps en raison des travaux qui venaient de commencer plus bas à côté du pont. Il scruta le ciel poisseux au-delà du pont lorsqu'il aperçut enfin la tête de Ricardo et sa main qui lui faisait signe. « Oh, mais il était temps, gros !» lui lança-t-il à voix haute, même si l'autre de là-haut ne pouvait pas l'entendre. Puis soudainement, il vit Ricardo s'envoler par-dessus le pont, ses bras et ses jambes aussi désarticulés que ceux de la poupée de Monsieur Rupert. Longtemps après, il entendrait encore le bruit du corps frappant le courant avant d'être englouti par les tourbillons. Il se rappellerait aussi avoir levé les yeux vers le pont comme pour s'assurer que Ricardo était encore là et que rien de ce qui venait de se passer n'était réel. Ni le bruit, ni l'envol, ni leur stupide virée chez Monsieur Rupert. Mais le pont était vide et le silence aussi pesant que la terreur qui désormais l'habiterait. Et alors là... Là, d'un seul coup, on passe dans un chapitre qui est complètement déconcertant. C'est une femme qui s'appelle Elisabetta, qui est veuve, qui est un écrivain à succès. Et c'est elle qui est en train d'écrire l'histoire de Mario et de Monsieur Rupert. Ah, c'est un roman, alors. Puis, on retrouve Monsieur Rupert, qui s'invite de plus en plus souvent chez Stella, la maman de Mario. Roberto Rupert, de plus en plus effrayant, parce qu'on lit des choses terribles sur lui. Je ne vais pas vous les dire, bien sûr. Et pourquoi il a une poupée gonflable ? Parce que cet homme-là n'est pas très très bien dans sa tête. Mario lui tombe en dépression. Roberto et Stella semblent s'aimer. Mario va pas bien du tout. Alors il va voir un psy. Puis après, M. Rupert lui dit « Et si tu retournais plutôt vivre chez ton père qui est aux États-Unis, ça serait bien ?» Alors, il va aux États-Unis, mais il a une idée qui devient obsessionnelle chez lui. Tuer M. Rupert pour ce qu'il a fait à son copain. Alors, ce livre est un vrai labyrinthe jusqu'à la fin qui est des plus surprenantes. Parce que celui qui écrit, eh bien, vous verrez vous-même. Toujours à ménager ton suspense. Illusion tragique de Gilda Piersanti, chaudement recommandée par Eliane. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Avant de nous quitter, quelques conseils de sortie. Eliane, la chambre mandarine. Tu vas nous rappeler. Jeudi, vendredi et samedi à la passerelle. Alors, si vous avez envie de venir voir cette pièce, choisissez plutôt le samedi parce que vendredi, il ne reste plus que le rang du haut. Oui. Jeudi, il ne reste que les deux rangs du haut. Samedi, un petit peu plus de place, mais ça se remplit, ça se remplit. Alors, si vous voulez rire, c'est complètement déjanté, hein. Pas du tout intellectuel. Ça ne va pas du tout plaire à certains. Ah bon, t'as pas les petites de Télérama? Et alors, Eliane, tu vas encore nous parler de La vie est un songe. Alors, ça, grand théâtre. Mm-hmm. Grand, vraiment très, très belle pièce. pas facile d'accès, mais on se laisse tellement porter par ce très beau texte, le jeu formidable des comédiens, les jeux de lumière et tout. Non, c'est un très beau spectacle. Et c'est un spectacle qui se joue jusqu'au 5 avril au Cadeau. Et puis donc, samedi 6 avril à 15h, vous pouvez prendre vos enfants sous le bras et aller à la passerelle pour découvrir les frères bricolos. Je vous en dis pas plus. Jean-Pierre, tu peux nous donner les musiques que nous avons entendues aujourd'hui ? Alors, nous avons eu une petite chanteuse qui s'appelle Romance, c'est un joli nom. Hein. Envers et contre toi, c'était la première à intervenir. Puis on a eu un extrait du dernier album de Mes Souliers sont rouges. Alors, Mes Souliers sont rouges, ils seront le 25 mai à 20h sur la grande scène du Festicolor de Main-sur-Loire, 18e édition. Et puis, ils feront après le grand zénith de Caen, parce que ce sont des Normands. Voilà. Alors, on a eu Antoine Salaire, très jolie petite chanson, tout le monde est jeune. Et puis, on a terminé avec Lily Crow et Thierry Chazelle, qui eux vont bien, tout va bien, c'était leur titre. Ça va d'autant mieux que je crois que c'est le 18 mai, ils font leur Olympia. Et ça, vraiment, pour eux, c'est très très important, ils nous l'ont dit. Voilà. Merci Jean-Pierre. Il nous reste donc à vous souhaiter d'excellentes lectures, de bonnes sorties et à passer le relais à Violette pour traditionnel. Elle est arrivée. Bye bye. Bonne semaine. Au revoir. Salut.